Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti. Salut Lynn. Salut Alessandra. Et salut Géraldine, Manon et Tiffany, parce qu'aujourd'hui on a le plaisir pour le 33e épisode de Crépidule de nous retrouver à la librairie Oraibi Big Books, qui est une librairie indépendante dédiée à l'art et à la pensée critique, avec pour vocation d'accueillir et de promouvoir des artistes, des penseurs et des penseuses, éditeurs et éditrices, à travers un large catalogue de publications suisses et étrangères, des publications artistiques, mais aussi de la pensée radicale, théorie critique féministe, anti-autoritaire, anti-raciste, décoloniale, et avec une focale sur l'histoire des luttes et des autonomies. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comment est né ce projet ? Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Tiffany, je suis une des fondatrices de la librairie avec deux autres personnes, Ramaya Teguigné et Géraldine Beck. Et en fait, pour vous expliquer un peu l'historique de ce lieu, peut-être qu'on peut repartir de notre nom, un peu étrange, Oraibi et Beck Books. En fait, ce sont deux projets dont moi, j'ai fondé la partie Oraibi avec Ramaya Teguigné. Et en fait, c'est vraiment, on n'est pas des libraires de formation, mais c'est vraiment un intérêt pour l'édition et le livre qui nous a poussés à faire ça, chacune et ensemble et même séparément. Oraibi, à la base, c'est une librairie itinérante qui était la réunion à la fois d'une sélection de livres neufs, en général des éditeurs indépendants, des amis à nous, des artistes qu'on avait envie de soutenir, de défendre, des choses qui nous intéressaient spécifiquement, plutôt autour de l'art, donc vraiment art contemporain. Et aussi un certain nombre de livres de seconde main. Donc en fait, c'est vraiment, on est parti de zéro, on va dire. Seulement, en fait, on avait cette collection de livres qui était un peu notre collection personnelle à chacune, Ramaya et moi-même. Et en fait, à partir de ça, on a fait des événements thématiques. On était invités donc, dans des contextes institutionnels et aussi des espaces d'art indépendants à faire des projets sur des courtes périodes. Et on thématisait un peu la sélection d'ouvrages et les projets en invitant des artistes à faire des installations spécialement pour les événements. Ça, c'est le côté itinérant, justement. Voilà. Mmh. Et c'est le projet que, que j'appelle curatorial, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'était vraiment un projet, on va dire, artistique. Et pour vous donner des exemples, on avait fait une présentation à Bruxelles dans un espace qui s'appelait Rosa Brux autour des questions du psychédélisme. On avait fait un événement autour de la figure de Asger Jørn à Copenhague, donc c'était vraiment itinérant dans le sens où on allait un peu partout en Europe. Est-ce que je peux te poser la question, pourquoi curatorial, ça te déplaît comme mot ? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai jamais compris. Et commissariat d'exposition, c'est encore pire. Donc, je préfère utiliser curatorial. Et puis, l'idée, en fait, a vite été d'ouvrir un lieu, un espace où on pouvait poser nos livres. Et en association avec Beck Books, donc Géraldine Beck, qui va prendre la parole juste après, comme on était vraiment un peu dans le même, on va dire, dans le même domaine, on a créé, déjà en 2014, une association ensemble. Voilà. Exactement. Et moi... Donc Géraldine. Géraldine. J'ai commencé Beck Books en 2012 parce que j'avais des amis qui s'occupaient d'un espace à Zurich dans lequel ils organisaient des projections une fois par semaine, des projections de films. Et le résultat, l'espace était vide. Et je me suis dit, mais ça serait cool de faire une librairie là-bas. Et en fait, ils avaient reçu un peu d'argent de la ville de Zurich à l'époque pour mener leur programme. Et de manière très transparente, ils m'ont filé 1000 francs et on a acheté des bouquins. Et on a tout vendu le jour de l'ouverture, plus ou moins. Je sais pas, on a acheté peut-être 100 livres, vraiment pas grand-chose. Mais... Et l'idée, c'était de ramener un peu du matériel qui n'était pas trop visible en Suisse. Donc on a chopé beaucoup de trucs d'éditeurs étrangers, et d'artistes qu'on aimait bien, voilà. Et à partir de là, j'ai continué et j'ai augmenté le stock petit à petit, comme ça, pendant un an, là-bas. Ensuite, on a fermé l'espace, puisqu'on n'avait plus d'argent pour payer le loyer. Et j'ai eu envie de retourner à Genève. Et c'est là qu'avec Tiffany et Ramaya... On s'est dit de manière assez naturelle, ok, bah on va joindre nos forces dans un même lieu au lieu d'ouvrir deux librairies qui seraient peut-être un peu trop similaires. Et donc voilà. En fait, quand Tu évoquais, Tiffany, le fait que vous n'aviez pas de formation de libraire. Votre origine, comment on va dire, professionnelle ou c'est l'art? Ben moi, j'ai quand même travaillé dans une librairie pendant 3 ans, mais je n'ai pas eu de formation officielle. Je n'ai pas fait de CFC de libraire ou autre. Et j'ai surtout appris avec quelqu'un qui n'était pas libraire non plus. Mais comme il venait d'ouvrir sa librairie et que c'est un endroit qui a eu pas mal de succès tout de suite au début de son ouverture à Berlin, et ben j'ai appris vite et j'ai eu beaucoup de responsabilités assez vite. Et ça m'a un peu mise dans le bain, disons. Tu t'es vraiment professionnalisée Un peu, ouais. Mm-hmm. Mais de manière aussi assez, je sais pas comment dire, on avait... Avec une grande liberté, en fait. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a essayé de maintenir dans notre structure aussi aujourd'hui avec les nouvelles personnes qui y travaillent, etc. C'est qu'on aime bien l'idée qu'on n'est pas libraire, donc on a aussi une forme de naïveté par rapport à ce travail et qu'on se permet de faire des choses que je pense qu'on ne ferait pas si on avait fait ces études-là et que si on avait appris les choses de manière un peu plus sérieuse, disons. Je pense qu'il y a des endroits où on perd beaucoup de temps, mais il y a d'autres endroits où on est vraiment plus créative, je pense. Et voilà. Mais du coup, il y a aussi une union, disons, de langue, parce que toi, tu as travaillé à Berlin, puis à Zurich, ce qui fait que tu parles allemand, je suppose. C'est mal, je veux dire. Pour le nombre d'années que j'ai passé en Paris germanophone, je pense que je parle vraiment pas très bien. Ok. Mais bah, beaucoup d'anglais, mais c'est aussi ce truc de l'art qui est un peu étrange, mais enfin, qui est en même temps assez chouette, je crois. C'est que les gens n'ont pas du tout de difficulté à lire en anglais, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de continuer à pousser ici. D'avoir aussi des ouvrages qui ne sont pas encore traduits et qu'on estime importants et intéressants de présenter ici. Voilà. Manon, raconte-nous comment tu as rejoint le bateau alors. Bonjour. après être restée 2 ans au sous-sol du Ramodin, la librairie elle a déménagé en septembre 2017 ici, dans ce nouvel espace au 10 rue des Vieux Grenadiers. Et puis c'est ici que Géraldine et Tiffany ont décidé d'agrandir l'équipe. Et où en fait c'est devenu un collectif parce que j'ai rejoint l'équipe. Il y a aussi trois autres personnes qui ont rejoint l'équipe depuis. Peut-être juste pour les auditeurs et les auditrices dire que la librairie donc est à la rue des Vieux Grenadiers et qui est donc accolée vraiment. Enfin, la librairie est accolée au bâtiment d'art contemporain et au MAMCO, qui est le musée d'art moderne et contemporain de Genève. Il y a quand même une approche qui fait aussi sens. Pour l'instant, on a évoqué ce domaine artistique. Ça fait quand même aussi un peu cohérence à ce niveau-là, non, d'être proche Alors, il y a effectivement une proximité qui est, comment dire, intéressante pour les deux structures, hein, ne serait-ce que pour des questions de public, que ce soit pour nous, et aussi par rapport au programme d'exposition du MAMCO. On essaye d'être un peu en adéquation, mais on est vraiment indépendant, c'est-à-dire qu'on fait, en fait, on fait aussi ce qu'on veut, ce qui est pas mal. Peut-être que c'est... Ouais. Non, mais on peut aussi dire qu'en fait, on est dans le quartier des Bains, donc c'est aussi un quartier qui regroupe pas mal de galeries, aussi d'art, enfin, c'est aussi un... Enfin, vous êtes bien inséré dans le quartier, dans le sens thématiquement. Oui, puis l'espace, hein, je ne sais pas ce que c'était comme industrie ou ce bâtiment, c'est quand même, vous êtes au début de l'espace qui s'ouvre sur différents ateliers, différentes propositions. Donc, c'est aussi, voilà, ça a une force aussi, j'imagine. Mais peut-être que ça nous amène à discuter un petit peu de la sélection des ouvrages et de ce qu'on a dans cette librairie et de comment on ancre ce lieu aussi dans cette ville. Parce qu'il y a ce contexte de l'art contemporain qui est effectivement très présent géographiquement. Mais il y a aussi celui de la pensée critique et puis du pont qu'on fait aussi avec les différents espaces et collectifs qui sont actifs dans cette ville et ailleurs. Et puis, pour revenir un peu à ce qu'on a dans cette librairie, c'est vrai qu'on essaye de diversifier de plus en plus notre contenu, aussi en lien avec le fait qu'on n'est pas des libraires de formation, comme le disait Géraldine, mais aussi... de profils et d'horizons différents, des artistes, des militants, des historiens, des... voilà. Et puis c'est vrai que voilà, on a des monographies d'artistes, des catalogues d'expositions, des ouvrages de théorie, de critique, des fanzines, de la BD, des sciences sociales, du roman, de la poésie, des revues, des périodiques, des éditions d'artistes, posters ou objets. Mais voilà, on a aussi des graines de semences du pays, de l'huile d'olive de nos amis qu'on a chopé un verger dans le sud de la France, des disques et cassettes, du pain prix libre tous les mercredis gratuits, du café, du sirop prix libre, un rayon prix libre de livres. D'ailleurs, juste un mot sur ce rayon. ça nous tenait vraiment à cœur de pratiquer ça, le prix libre, qui est quand même un principe qu'on trouve chouette, c'est-à-dire que tu payes ce que tu peux et ce que tu veux, et puis ce qui te permet aussi d'estimer toi-même la valeur de cet objet, dépendamment de tes moyens financiers à toi, et puis c'est quelque chose qui nous tient très à cœur aussi ici. Parce que vous avez autant des livres neufs que des livres d'occasion, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Et comment s'organise, quelles sont les coulisses de cette ligne d'édition que vous constituez ? Enfin, cette sélection. Alors, en fait, nous travaillons à partir de nos intérêts respectifs pour certains sujets et vraiment autour de nos lectures propres. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'aime souvent dire que c'est des livres qu'on aimerait avoir pour nous. Donc, on les amène ici. C'est à la fois donc, nos intérêts individuels et nos intérêts collectifs par rapport à des sujets qui nous animent. On en parlera plus en détail quand on parlera des rayons, mais on a vraiment aussi des convergences dans nos centres d'intérêt. On est 7 personnes, comme on vous l'a dit, et on se réunit en fait régulièrement, toutes les 2 semaines, pour partager justement aussi nos projets, amener des sujets de discussion qu'on a envie d'aborder tous ensemble. Ça a l'air génial. Non, mais c'est vrai que c'est drôle parce que c'est une question que les gens ils posent souvent. Comment vous trouvez les livres ? Mais vraiment, je pense, la première question qu'on nous pose tout le temps. Et puis, je crois qu'on on trouve les livres en lisant des livres. Et je pense qu'en faisant plein de choses, en écoutant la radio, en militant, en discutant avec nos amis, avec nos visiteurs et nos visiteuses, en allant aux puces, en allant à des foires de livres, en lisant des blogs, etc. Et c'est vrai que, du coup, comme dit Tiffany, on essaie de créer ce contexte aussi de partage où on s'alimente toutes et tous ensemble en échangeant un peu nos idées et nos préoccupations, je dirais, du moment. Et puis je pense qu'on est aussi embarqués... pour la plupart d'entre nous, dans d'autres projets en dehors de la librairie ensemble. Donc c'est aussi des lieux où on crée des liens sur des trucs et on essaye de les amener ici. Et je pense que on essaye de faire en sorte que la librairie, elle porte un peu de nos pratiques et de nos connaissances de chacune et chacun. Ouais, aussi, à propos de la sélection des ouvrages, je pense que Manon, tu peux peut-être rajouter quelque chose sur les collaborations, parce que c'est un truc qu'on a discuté. En fait, c'est surtout qu'on est invité à collaborer sur différents projets dans la ville. Et ça a eu lieu récemment avec le Théâtre de l'Usine, avec Afrolite, qui est un projet antiraciste de science-fiction, et avec l'Infokiosque, avec plein d'espaces comme ça en ville. Et c'est à l'occasion de ces événements où on nous dit « Ah, mais venez faire une table avec des bouquins ». Et là, on fait des sélections. Et puis... puis Géraldine va compléter parce qu'elle en fait beaucoup. Mais déjà, en fait, hier, vous avez eu... on vous remercie encore de nous recevoir parce que vous étiez pas mal occupés. Hier, vous avez déjà participé à 2 événements différents. Au Théâtre de l'Usine et puis aussi Tiffany était à Live in Your Head, qui est un espace d'exposition de la HEAD, qui est la Haute École d'Art et du Design à Genève. Donc, cette collaboration est vraiment... Mais peut-être, Géraldine, je ne sais pas si c'était peut-être pas ce que tu as prévu de parler maintenant, mais si tu voulais nous parler un peu de cette collaboration avec le Théâtre de l'Usine et Afrolite hier. Ouais, justement donner un exemple un peu de collaboration, mais c'est bien de parler d'Afrolite. En fait, c'est un super projet qui est mené par une personne qui s'appelle Pamela et qui a un groupe de lecture autour de différents ouvrages de science-fiction. Et elle parle beaucoup, notamment d'afrofuturisme. Et je vais pas m'avancer pour parler de ça parce que je suis absolument pas spécialiste. Mais hier soir, elle a été invitée par le Théâtre de l'Usine pour présenter 4 bouquins en collaboration avec une autre personne qui s'appelle Anna Thier, qui s'occupe d'une revue qui s'appelle Ataillé, qui est une revue parisienne, je crois, voilà, où elle parle de culture. Et en fait, dans ce contexte-là, on a été invité simplement à vendre des livres. Et je dois avouer que là, c'est pas l'événement pour lequel on a produit le plus d'efforts dans la sélection, parce qu'on a simplement commandé les bouquins qui étaient présentés ce soir-là. Mais ça est arrivé, par exemple, brièvement, mais on a récemment invité la philosophe française Elsa Dorlin au Théâtre de l'Usine et à la CUAE. Et là, on a travaillé à 4. On était, La CUAE, justement, tu précises. Parce oui, que, qui est la fêtière des étudiantes, des associations de l'Université de Genève. Et on a travaillé avec Noémie Dubois, donc de la CEAE, Hélène Matève du Théâtre de l'Usine, Tatiana Riz, qui est une commissaire indépendante, qui est une amie à nous avec qui on a bossé là-dessus, et moi-même. Et là, par exemple, moi, j'ai bossé sur une grosse sélection de bouquins à partir de la bibliographie du livre d'Elsa. Et on a également réalisé des brochures avec des articles qui étaient un peu en lien avec le contexte aussi actuel, etc. Dans le podcast, on a déjà parlé du dernier livre d'Elsa Dorlin. Alessandra, tu rappelles le titre ? Se défendre, une philosophie de l'auto de la violence. De la violence. Ouais, absolument passionnant. Parce que ça, c'est justement votre dimension. Tu évoquais avant, Manon, les ponts, où il y a aussi c'est ces espaces de dialogue que vous tissez dans la ville, n'est-ce pas? Oui, bah peut-être que je peux expliquer aussi, par exemple, moi, ce que je faisais hier à Livignorette très brièvement, parce que c'est aussi une des collaborations qui nourrissent le projet de la librairie. Je travaille depuis un an à l'inventaire un peu systématique d'une collection de livres d'un artiste français, Pascal Dory, décédé en 2001. Et en fait, il a accumulé un certain nombre de livres plus ou moins rares, mais en tout cas, c'est une collection extrêmement passionnante. Par exemple, donc ce travail que je mène avec mes étudiants de l'école se retrouve en fait aussi ici parce que ça nourrit aussi la librairie. En particulier, un rayon qu'on a inauguré récemment avec Manon, dont elle vous parlera plus en détail, mais qui se base aussi sur cette collection de livres qui est le rayon de littérature pour enfants de la librairie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, puis justement, je voulais vous demander, parce que là, vous parlez de réseau de chacune ou collectif. Hein, ça, c'est visiblement, chacune et chacun dans le collectif vient avec ses richesses. Parce que vous avez des doubles ancrages professionnels, c'est ça? Vous ne travaillez pas à plein temps dans la librairie? Non. Par choix, parce que moi, en vous écoutant, je trouve ça passionnant, le fait d'avoir justement différentes casquettes et puis de nourrir la librairie de ces dernières. Peut-être on peut donner l'exemple du rayon du droit à la ville, qui est un rayon qu'on a essayé de fournir au mieux ces derniers temps avec comme de trame de fond cette lutte justement pour le droit à la ville qui a été vraiment présente à Genève depuis presque un an maintenant, qui est un véritable mouvement dans lequel sont impliqués à la fois des partis politiques, mais des groupes plus autonomes, des associations culturelles, des espaces d'art. Voilà, il y a un front assez large qui veut depuis un an maintenant défendre cette question du droit à la ville. Et dans une ville comme Genève, qui a cet héritage de ville de squat la plus grande d'Europe, c'est assez intéressant. Et puis, voilà, nous, on a décidé de développer ce rayon et on a à la fois... dans ce rayon, une brochure qui a été produite par des individus du mouvement, mais aussi un livre de seconde main de Colin Ward sur les espaces, mais aussi le livre de Henri Lefebvre qui s'appelle Le droit à la ville, qui est très difficile à lire, mais aussi un livre de Pauline Chevalier sur l'histoire des espaces alternatifs à New York. Donc, on a essayé aussi pour ce rayon de diversifier les formats aussi, que ce soit un peu des choses, vraiment des brochures, de la théorie politique, du seconde main. Et donc c'est un bon exemple aussi de comment on constitue un rayon aussi en fonction du contexte local, mais aussi international sur un thème choisi. Bon, ça c'est passionnant parce qu'il y a une dimension d'écho à la ville en fait, enfin même pas là en l'occurrence la ville, mais qui peut être plus large. Ouais, moi je voudrais rajouter que... Je pense que comme on a ouvert il n'y a pas si longtemps, on essaie toujours de réfléchir un peu à notre spécificité et qu'est-ce qu'on peut amener par rapport aux autres librairies de la ville, parce qu'il y a quand même plein de super librairies à Genève dont on respecte tout à fait le travail. Et donc nous, voilà, on réfléchit à ça, se dire où est-ce qu'on est complémentaire, où est-ce qu'on amène des choses qui en fait n'existent pas encore. Et c'est vrai que c'est une réflexion voilà, qui est continue dans nos moments de réunion, notamment. Et c'est vrai que le lien avec le droit à la ville, bah voilà, c'est quelque chose, je pense que chacune et chacun d'entre nous était plus ou moins impliqué dans ce mouvement. Et on s'est dit, la spécificité de la librairie ici, c'est d'amener un apport théorique à des idées qui sont discutées dans des contextes militants. Oui, il y a un apport théorique, mais il y a aussi vraiment, j'ai l'impression que vous créez vraiment des espaces de dialogue avec le public, notamment par la venue d'Elsa Dorlin. Que vous avez fait, alors il y avait deux moments de rencontre, une fois au Théâtre de l'Usine à Genève, puis une fois à l'Université de Genève, donc un contexte, le deuxième un contexte plus académique, et puis après un contexte, disons, plus, plus libre, quoi. Enfin, ouais, alternatif militant. Ouais, nous, on lui avait dit militant. Enfin, on lui avait dit qu'on avait plus envie d'axer la soirée au TU autour de questions militantes, voilà. Et d'ailleurs, le registre était extrêmement différent. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de venir aux deux, mais c'était vraiment fou. Elle s'est adressée à l'audience de manière absolument différente. Enfin, il y avait vraiment un autre vocabulaire, une autre façon de parler. C'était très intéressant de voir aussi qu'elle était capable... Enfin, d'ailleurs, j'en doute pas, parce que c'est une femme extrêmement... voilà, elle est vraiment extraordinaire, mais c'était chouette à voir. C'était vraiment... Bah, c'était intéressant ce que tu disais, Géraldine, dans la spécificité, parce que c'est vrai qu'on pourrait s'interroger, de dire, mais... Voilà, ouvrir une librairie indépendante, il y a plutôt la sensation que les librairies indépendantes sont sur le déclin, n'arrivent pas à survivre. Donc là, c'est vrai que vous avez une originalité qui doit faire votre force et aussi le sens, non ? Mais sur cette question des spécificités et de la liberté, justement, dans ce projet... J'aimerais juste introduire le rayon pour enfants qu'a évoqué tout à l'heure Tiffany, qui est justement un rayon sur lequel on... Vous venez d'introduire, en fait. Enfin, vous venez de le lancer. Voilà, ce rayon de livres pour enfants a été inauguré le 11 avril dernier. Et puis, c'est vraiment un rayon que... Voilà, moi, je suis arrivée dans ce projet de la librairie, puis j'ai eu très envie de monter ce rayon. Et puis, j'ai rencontré Tiffany, qui avait beaucoup d'ouvrages de livres pour enfants d'Ouri, qui avait déjà cette envie aussi. Et puis, on a allié cette volonté de valoriser ces ouvrages de seconde main, mais aussi de chercher des nouveaux ouvrages contemporains de livres pour enfants. Et sur un fond de « Nous sommes une librairie d'art et de pensée critique ». Donc, comment allier... Il y a eu plein de questionnements qui sont ressortis liés au montage de ce rayon, qui était vraiment de comment on apporte du contenu... politiquement intéressant à des enfants sous des formes esthétiquement intéressantes sans être un guide pour l'antisexisme, sans avoir des dénominations qui sont trop explicites. Enfin, en tout cas, à mes yeux, je trouvais que c'était pas intéressant. Et puis du coup, il y a eu un véritable travail de réflexion et de recherche sur comment faire ces sélections-là. Et puis, par rapport aux secondes mains, par exemple, si on a envie de parler un peu de féminisme, on a des ouvrages de l'édition des femmes qui est une maison d'édition italienne qui a sorti des livres pour enfants à cette époque, notamment de femmes révolutionnaires comme Adéla Turin, mais que j'ai lu quand j'étais petite, voilà, mais qui sont à contextualiser parce que bah voilà, aujourd'hui le féminisme il a un nouveau visage, et puis bah comment on apporte du contenu féministe à des enfants et comment on le contextualise ou pas. Puis on a aussi, par exemple, justement, dans des ouvrages plus contemporains et plus intersectionnels, la petite héroïne Akissi, qui fait plein de choses, plein de bêtises à la récré, et qui sont aussi des nouvelles formes d'héroïnes qu'on a envie de valoriser dans la littérature jeunesse. Mais je dis juste parce que moi j'avais deux bouquins, c'était une histoire de bonobo qui apprenait à parler anglais ou pas, et une autre, une histoire d'éléphante. Enfin, d'une éléphante qui refusait de continuer à manger des pivoines qui la rendaient rose pour sortir de l'enclos où elle était censée rester rose pour bonbonne. Les voilà rose bonbonne et redevenir grise et s'amuser en toute liberté. Tout ça pour dire que c'est des livres que j'ai transmis à la génération de mes enfants et ça passait très bien et c'était d'ailleurs touchant de voir que voilà ces questions-là de nouveau c'est des questions au long cours. Oui, ouais. Et puis alors typiquement des bonnes librairies de littérature jeunesse, il y en a beaucoup. Et puis nous, on a un petit rayon, parce qu'il faut aussi dire qu'on n'est pas une immense librairie. Mm-hmm. Et en fait, ce rayon, on peut vraiment dire encore une fois que chaque livre qui est à l'intérieur, il a été sélectionné spécifiquement pour son contenu et aussi son esthétique. Ouais. Peut-être, Tiffany, tu veux parler un peu du travail de bootleg que tu as fait autour des livres pour enfants ? Oui, alors par exemple, ça c'est quelque chose qui moi me tient à cœur depuis le début, c'est de remettre en circulation des documents épuisés, rares, introuvables. C'est aussi la vocation pour moi de cette librairie, c'est qu'un livre il est fait pour circuler et pour être lu, il n'est pas fait pour être exposé, donc comme je disais, moi j'ai plutôt un passé curatorial. Puis à force de travailler sur des documents et des livres, je me suis dit en fait, ça ne sert à rien de les exposer, il faut les remettre en circulation. Et donc en fait avec mes étudiants avec qui j'ai travaillé aussi sur ce rayon de livres pour enfants, on a décidé de réimprimer une archive de livres de l'autonomie italienne des années 70 et donc des livres pour enfants qui sont assez costauds, je dois dire, dans leur contenu, qui parlent de prostitution, de violence, de rapports sociaux, mais aussi des livres un peu plus poétiques. Et en fait, ces livres-là, donc on a vraiment pris le temps de les imprimer, on a fait ça avec l'école. Et il y en a 5 différents qui sont disponibles maintenant dans notre rayon de livres pour enfants. Géraldine. Ouais, moi, ça me donne envie de rebondir par rapport à ce que Emmanon et Tiffany ont dit. C'est vrai que, par exemple, pour parler de théorie féministe, ben voilà, nous, je pense qu'on vise à amener un contenu contemporain, intersectionnel. On essaye de vraiment amener une pensée actuelle, disons. Mais on mélange le second main et le neuf, et du coup, ça nous arrive d'avoir, je sais pas, par exemple, on a quelques exemplaires de la revue Sorcière, qui était une revue publiée par des Françaises dans les années 70, liée notamment à Psyché Po, je crois, ouais, c'est ça. Et qui est un féminisme un peu poussiéreux, et qui est un féminisme auquel on adhère pas nécessairement. Mais du coup, on est tout le temps en tension à se dire, est-ce qu'on peut avoir ça dans nos rayons ou pas? Et si on a ça dans nos rayons, comment est-ce qu'on l'amène? Comment est-ce qu'on contextualise ça? Je reviens par rapport à ce que disait Manon, par rapport au livre pour enfants. En fait, on se pose tout le temps un peu cette question. Et du coup, ça me donne envie de rapidement parler un peu de notre futur infokiosque, qui est un truc qu'on a envie de mettre en place. On a quelques brochures là, mais pas grand-chose encore. Et on y réfléchit un peu, en tout cas, voilà. Et moi, j'imaginais qu'un truc qui était intéressant, c'était aussi d'amener, je sais pas comment dire, des articles et du matériel critique autour des livres qu'on propose, en fait, dans cet infokiosque. Juste, c'est quoi un infokiosque? Alors, c'est un petit étal qui propose des brochures souvent vendues à prix libre ou même gratuites, en fait. Nous, je crois qu'on n'a pas vraiment de but de se faire de l'argent là-dessus, mais l'idée, c'est de diffuser un peu du matériel avec du contenu qu'on imprime à partir de PDF en ligne, à partir de... Voilà. Et c'est souvent du contenu militant, quand même, les infokiosques, j'ai l'impression. Et voilà. Et nous, on... Il y a déjà donc, il y a un infocast qui existe à Genève, je pense que il faut clairement le citer, qui se trouve au Silure et qui est une grosse bibliothèque de lutte qui est accessible. Voilà, les livres peuvent être empruntés, ils ont également une sélection de brochures, etc. Et nous, on s'était dit, ah, mais ça serait cool aussi de diffuser des brochures. Et je pense qu'on avait clairement envie de diffuser des brochures qui parlent des livres qu'on présente. Voilà. Je m'étends un peu là-dessus, mais... Mais parce que c'est une manière de contextualiser, justement, de rendre visible une démarche d'archivage, finalement, dans laquelle vous vous inscrivez. Ouais, je pense. Et puis aussi, peut-être de montrer que, par exemple, dans ce rayon féministe, il y a plein de choses qui sont en tension. Et je pense qu'il y a aussi des livres qui s'opposent dans leur point de vue théorique. Et qu'on trouvait ça chouette de se dire que, tout d'un coup, on peut avoir un article qui explicite un peu ces tensions ou ces désaccords au sein des luttes, parce que voilà, il n'y a pas un féminisme, il y en a plusieurs, et je pense que notre rayon, il a envie de montrer aussi cette pluralité politique, théorique. Manon ? Oui, pour compléter par rapport à ça, c'est vrai qu'effectivement, on trouve que, par exemple, il y a certaines autrices qui vont hyper bien parler de la mixité choisie sans mec, sans homme, de qu'est-ce que c'est, comment ça, en quoi c'est un outil politique, etc. Mais qui, sur des points d'antiracisme ou de féminisme décolonial, vont être plus problématiques ou vont pas du tout s'exprimer. Et du coup, c'est aussi une manière de valoriser des penseuses en fonction des thématiques qu'elles ont abordées pour pouvoir avoir du contenu autour de ça, comme la non-mixité ou comme... Mais ça, c'est intéressant parce que c'est... Avant, vous avez expliqué un peu comment est-ce qu'on construit un rayon, mais en fait, j'ai l'impression que quand vous construisez un rayon, vous construisez une pensée critique. Enfin, c'est vraiment, vous faites le tour, en fait, enfin, pas le tour, mais vous créez un savoir comme ça, multifacette. Bah ouais, moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a eu envie de faire ce projet, c'était aussi pour confronter des idées, pour essayer de comprendre voilà, comment les idées circulent. Dans des milieux ou dans une ville, enfin, en l'occurrence dans la ville de Genève. Moi je sais qu'à Zurich, c'est vraiment un truc qui m'intéressait parce que j'ai fait cette librairie dans un tout petit endroit avec très peu de personnes. Et du coup, je voyais très bien comment les idées elles circulaient entre les gens et comment est-ce qu'il y a des choses qui rentrent, qui sortent. Enfin, je trouvais ça hyper inspirant et je pense qu'on essaye de continuer un peu ça à l'échelle de notre ville ou sans vouloir paraître prétentieuse, mais juste ouais, d'essayer. Il y a besoin. Voilà, c'est ça. Mais je sais plus ce que c'était ta question, Lynn. C'était ouais. Plutôt une remarque. Oui, sur la manière de construire vos thématiques, en fait. Mais ouais, peut-être, mais... est-ce que vous, tu pourrais juste nous citer un peu les différents rayons, juste pour que les auditeurs et les auditrices aient un peu une vision comme ça. Alors, dans l'art, on a des monographies d'artistes, donc c'est des livres qui traitent d'un artiste, d'une artiste. On a des catalogues d'expositions, on a des écrits d'artistes, on a un petit rayon de photos, quelques anthologies. Après, comme disait Manon, on a effectivement de la BD, un peu d'illustration, on a de l'histoire de l'art, de la critique, des livres d'architecture, des livres de graphisme, de cinéma et de musique. Et puis, dans les sciences sociales et la pensée critique, on a un rayon dédié à la théorie politique et à l'autonomie. On a travaillé sur un rayon situationniste en lien avec une exposition qui était organisée au MAMCO là, ces derniers mois. Du coup, on s'est dit que c'était chouette parce que c'était quand même un truc qui était lié au contenu qu'on propose à la librairie habituellement. Et donc, on en a profité pour mettre en avant des ouvrages qu'on trouvait chouettes dans ce contexte-là. On a le rayon droit à la ville, dont Manon a parlé. On a un rayon qui parle d'écologie politique. On a un rayon qui parle de genre et de sexualité. Un rayon de théorie féministe, un rayon d'études décoloniales. On a un peu de philo, mais c'est très, très fouillis. On a un rayon de pédagogie radicale. Peut-être que Manon voudra en parler, ou Tiffany. En fait, c'est un rayon qu'on a vraiment élaboré en lien avec la sélection des livres pour enfants. C'était un peu la section pour adultes des livres pour enfants. Et puis, on a un rayon d'histoire et de récits de lutte. On a un rayon de littérature. On a un peu de poésie. On a un peu de critique littéraire. Et on a le rayon prix libre, dont on a déjà parlé avant. Et puis, bien sûr, le rayon enfant qui se trouve au fond à droite de la librairie. On a des périodiques et des revues. Il y a Manon qui pointe. Ouais. Non, mais je sais pas, quelqu'un y a rien qui ajouter quelque chose. Moi, je voulais parler justement peut-être un petit point sur les pédagogies radicales, parce que c'est un rayon, par exemple, moi, que j'ai vraiment pensé autour d'une figure, qui est cette figure de Fernand de Ligny, qui m'a beaucoup intéressée, qui me fascine, parce que c'était vraiment quelqu'un avec une pensée assez libre et assez moderne de la pédagogie. Tu peux nous le situer un peu Fernand de Ligny a été lié en fait à la clinique de la Borde, qui est donc en fait une clinique psychiatrique qui a un peu révolutionné la psychiatrie. Il a été inspiré en fait Deleuze et Guattari. C'est vraiment un inspirateur assez important de la pensée française de cette époque, de l'antipsychiatrie. Et un pédagogue, donc, de formation. Et en fait, il s'est retiré à un moment donné complètement de l'institution médicale pour aller créer une communauté dans les Cévennes. Et en fait, il a pris, en collaboration avec Françoise Dolto, il a pris sous sa responsabilité des enfants autistes. Et en fait, il est laissé complètement libre et autonome dans la nature. Il notait leur parcours. Il y a un très, très beau livre qui s'appelle « Cahiers de lignes et d'errance », qui sont ces relevés des trajets en fait des autistes dans le terrain, qui a inspiré la théorie du rhizome de Deleuze et Guattari. D'accord. Et donc en fait cette figure, donc moi je suis allée visiter cet endroit, je suis moi-même en fait originaire de cette région, des Cévennes. Du coup, en fait autour de cette figure-là, Géraldine a aussi amené des livres qui l'intéressaient. Manon a aussi rajouté aussi des choses. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille en fait quand on crée des nouveaux rayons. C'est passionnant. Et on a envie que vous repartiez, de fermer les portes à clé, et de rester tranquille à dévorer tout ça. Et je me disais, parce que moi j'avoue que j'ai, je pense toi aussi Alessandra, un amour pour mes livres, où vraiment... Enfin, ce truc de pouvoir les avoir chez moi, dans ma bibliothèque, et puis les toucher, et les lire et les feuilleter. Est-ce que, maintenant que vous avez une librairie, vous avez toujours cet amour pour les livres à la maison? Tu veux demander si elles arrivent à les vendre, en fait? Non. Parce que peut-être qu'on ne veut pas que ça parte. Bah, moi, ça m'a beaucoup soignée. Non, mais c'est vrai que c'est trop bien, parce que je dois avouer qu'on fait tout et tout ça. On prend un bouquin, on le lit, on le ramène, en essayant de ne pas l'abîmer. Il y a des gens qui ne le ramènent pas ou qui l'abîment. Non, je ne sais pas. Manon qui rigole. Du coup. Non, mais ouais. Oui, bah, c'est clair que je pense qu'on a plus de livres que la plupart des gens, parce qu'on y a accès hyper directement. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment, vraiment donné envie de moins accumuler de matière chez moi. Ouais. Non, mais j'étais ironique, mais c'est vrai que si vous avez... Tu parlais d'un rayon d'édition rare, non? Ou tout d'un coup, c'est vraiment l'objet qui devient très précieux, peut-être. Mais non, c'est la circulation qui compte. En fait, moi, ce rayon rare, pour être très franche, je sais pas quoi dire. En fait, c'est des livres qui valent cher et qu'on a envie de vendre cher parce que on a. Mais je sais pas si c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que ce soit dans le podcast en vrai. Mais... non, mais c'est à discuter. Mais en fait, c'est juste que c'est des bouquins de seconde main. Voilà. Comme on va dire que de manière générale, quand on se retrouve avec des livres de seconde main entre les mains, on essaye d'évaluer leur valeur et de les vendre à un prix qu'on estime accessible pour le public, alors que parfois on pourrait vraiment décider de se faire de l'argent, mais c'est pas notre but et c'est pas non plus notre métier en fait. Et il y a une petite portion de bouquins là-haut, en haut de cette étagère, à côté du bureau, très près de nous, pour que personne ne vole rien. Je rigole, mais qui sont des trucs qui valent plus cher et qu'on espère pouvoir à un moment donné vendre soit à une institution, soit à un collectionneur. Et c'est vrai que ça fait rentrer du beurre dans les épinards et que c'est pas négligeable. Je sais pas si quelqu'un veut faire un point finance. Mais oui, je sais pas si ça, on rentre dans les questions indiscrètes, mais voilà, comment vous tournez ? Est-ce qu'on peut se réjouir de la bonne santé de la librairie ou l'encourager plus fortement ? Mais avant je vais laisser Tiffany répondre à cette question. Mais moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport aux secondes mains et à nos attachements à l'objet du livre. C'est qu'effectivement, ça nous est arrivé de garder un livre de seconde main sous la main et de le scanner pour avoir un peu... Bah, je sais pas, souvent il y a une iconographie merveilleuse ou des choses comme ça. Puis on se le garde, on se le fait circuler, on le regarde un peu, puis après, allez, on se lance, on le met en vente ou alors on le met en consultation. Et puis si vraiment il y a quelqu'un qui veut l'acheter, on se check. Puis... Mais donc, sur certains ouvrages de seconde main, qui ne sont pas des objets rares, mais juste qu'on trouve hyper jolis ou intéressants, par exemple... sur des questions de lutte féministe ou d'autonomie, on met un peu de temps à le mettre en vente parfois. Il faut le savourer avant. Ouais, on veut le savourer nous un petit peu. Tiffany ? Les questions austères de l'argent sont celles que je gère aussi dans cette librairie. Quand vous demandiez en fait si personne travaillait à plein temps, en fait c'est aussi une raison économique, c'est qu'on commence à peine à salarier des gens. Il faut savoir que pendant 3 ans quasiment avec Géraldine, on a travaillé sans être payé. Que cette énergie, nous on l'a toujours. Et que l'idée en fait c'est quand même de pouvoir être viable économiquement, mais que ça prend beaucoup de temps. Et qu'on commence à peine à avoir une visibilité dans la ville et qu'on peut se réjouir parce que ça marche de mieux en mieux. Voilà. Notre objectif, c'est de pouvoir augmenter la masse salariale et de pouvoir survivre plusieurs années. Et d'avoir des espaces gratuits grâce à la lutte du droit à la ville. Non, mais c'est vrai qu'avec Alessandra, on a rencontré plusieurs collectifs ou associations dans le cadre du podcast. Et bon, le podcast aussi est un projet en soi. Et c'est vrai que c'est aussi important pour nous de montrer cette dimension de l'engagement, mais qu'à un moment, c'est aussi important de pouvoir être payé ou de pouvoir être, rétribué pour le travail qu'on fait. Moi, j'ai une réponse aussi à ce niveau-là. C'est qu'en fait, dans nos collaborations, de plus en plus, on a envie d'être rémunéré aussi pour ce travail de recherche. On essaye de faire comprendre aux gens que vendre des livres, c'est pas évident économiquement. Et que, en fait, effectivement, il y a aussi un autre travail derrière qui est celui de la sélection, celui de rendre visibles certains sujets, comme on l'a dit, de théorie, de pensée. Et que quand on est invité, par exemple, à proposer une sélection en lien avec quelque chose, un événement, en fait, ça, c'est un travail pour lequel on doit être rémunéré. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on essaye maintenant de faire comprendre, mais qui ne sont pas évidentes. Moi, je rajouterais que par rapport à ces questions de financement, on est évidemment aussi toujours en tension avec cette autonomie et cette liberté qu'on a envie de garder et cette nécessité financière pour assurer la viabilité du projet sur du long terme. Et puis, c'est aussi des questions qu'on se pose tout le temps, quel argent on accepte, pourquoi, jusqu'où on va, comment on s'autofinance au mieux. Et on reçoit des subventions aussi. D'accord. Mais qui ne nous servent pas à nous payer. Ouais. En fait, les subventions, elles ont été utilisées pour le programme d'événements et pour les travaux de la librairie, pour être très transparente. Et moi, je voulais aussi ajouter que je pense que c'est un truc aussi d'un point de vue féministe, quoi. En fait, on est des meufs, on bosse comme des dingues et en fait, on veut être payé pour ça et on n'est pas payé grand-chose. Mais on se paye nos heures sur place et on essaye de... On essaye de faire un maximum pendant ces heures-là. On n'y arrive pas du tout toujours. Tiffany, par exemple, qui est beaucoup à l'étranger en ce moment, bah, elle travaille beaucoup sur son temps libre et c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Et voilà, Manon, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais elle va avoir un bébé et du coup, elle est beaucoup à la maison. Et c'est vrai que tu travailles aussi à fond bénévolement en ce moment et que... Mais voilà, en tout cas, c'est des trucs qu'on discute tout le temps. Et, oui, parce que c'est aussi des questions pour le long terme, pour inscrire un projet dans la durée. Il faut absolument faire rentrer ces dynamiques-là, quoi. Mais je pense qu'en tout cas, on n'a pas encore résolu la tension de savoir... Enfin, je crois que personne ne va réussir à vivre de ce lieu puisqu'on a décidé d'être plusieurs à y travailler et de se partager un peu les jours de travail comme ça. Mais on verra comment ça évolue. Ça se trouve, peut-être qu'à un moment donné, on sera moins et du coup, on se payera un peu plus. Et que... Je crois que personne d'entre nous a nécessairement envie de gagner beaucoup d'argent dans la vie, mais après, on est à Genève et, et voilà, il y a des réalités qui sont quand même... Ouais. Mais est-ce que vous pouvez parler un peu plus de ce travail aussi en collectif? Manon? Bah pour nous, c'était intéressant aussi de toujours réfléchir à la question de... En fait, on vend de la théorie et de la pensée critique, mais comment on la met en application dans notre équipe, notamment sur des questions d'antisexisme, comment on discute de cette oppression au sein de l'équipe, comment on matérialise cette pensée qu'on a dans nos rayons, en fait, au sein de notre équipe. Et puis peut-être Géraldine va revenir sur... l'origine du projet et de comment il a évolué aussi. Ouais, parce que c'est vrai que avec Tiffany, on s'était tellement autonomisé dans nos tâches pendant ces deux années où on était sous le rameau d'or que en fait, on en était arrivé à un stade où on aurait même eu plus besoin de se parler en fait pour s'organiser. Et je pense que ça nous a un peu déprimés et on s'est dans un truc hyper efficace comme ça de répartition des tâches. Exactement. Et du coup, quand on a eu la confirmation du déménagement, en fait, ça nous a semblé méga logique de s'agrandir et d'impliquer des nouvelles personnes et du coup de changer de fonctionnement. C'est ce truc aussi d'être dans un travail un peu mécanique, est-ce que c'est pas aussi un signe que tu fais vivre un projet plus que tu le nourris en fait, enfin il vit un peu, quelque part stagne, même si c'est un peu péjoratif, mais c'est vrai que ça, enfin je trouve qu'on sent aussi, moi en ayant visité les deux espaces, que ici il y a vraiment quelque chose aussi de renouveau comme ça. Bah, en fait, je pense que oui, effectivement, il y avait un truc qui était un peu en train de mourir et c'est marrant parce que moi, j'ai connu Manon un peu... Enfin, je ne sais plus quand est-ce qu'on s'est rencontrés, mais en tout cas, je pense que de ton expérience de l'usine, Manon, j'ai été aussi hyper inspirée par, je ne sais pas, les réflexions que vous aviez liées à l'autogestion et que c'est aussi une des raisons pour laquelle on a eu envie d'impliquer d'autres personnes dans l'équipe et notamment des personnes qui avaient clairement cette expérience-là. Aussi pour réfléchir et pour se redonner de l'énergie et pour réimpulser du nouveau contenu, des nouvelles façons de faire. Et... Donc Manon, juste peut-être pour les auditeurs et les auditrices, est-ce que tu peux juste dire ce que c'est l'usine ? L'usine, c'est le centre culturel autogéré de Genève, qui est un espace situé dans le même quartier, dans le quartier de la Jonction, qui est un espèce de gros bateau qui a été ouvert dans les années 60-70. Par des autonomes genevois et qui maintenant est un lieu extrêmement institutionnalisé depuis et qui du coup je trouvais tout à fait questionnable sur ces questions d'autogestion aussi et donc en travaillant là-bas j'ai commencé à me questionner là-dessus sur comment on travaille collectivement sincèrement et réellement et comment on se nourrit à plusieurs. Parce que donc vous n'avez pas tout à fait les mêmes rôles. Tu parlais, Tiffany, par exemple, de ta responsabilité sur les questions financières. Vous avez quand même délimité des champs d'action spécifiques. Comment c'est ? Alors justement, on essaye de décloisonner au maximum maintenant. En fait, l'idée, c'est qu'on se répartisse les tâches avec certains plus de compétences dans certains domaines que d'autres. Mais justement, moi, je veux arrêter d'être la seule à faire la comptabilité. Voilà. Géraldine, elle va arrêter d'être la seule à faire les commandes de livres. Enfin, vraiment, l'idée, c'est qu'on se répartisse beaucoup plus équitablement le travail. Et donc, ça prend plus de temps, plus de réunions. Exactement. Et c'est aussi en... Géraldine. On y réfléchit tout le temps parce que c'est clair que, comme vient de dire Tiffany, il y a certaines personnes qui ont des compétences et qu'on ne va pas refiler la compta à quelqu'un qui est hyper bordélique, ça serait un peu stupide. Du coup, on essaye de s'améliorer, de responsabiliser les gens et de faire en sorte que les choses se passent bien et qu'il n'y ait pas de charge mentale qui soit uniquement sur une personne ou deux ou trois qui se sentent super concernées par certains trucs et d'autres pas du tout. Quoi. Donc, voilà. On n'a pas évoqué la question de... Là, on a trois spécimens féminins en face de nous. Vous êtes une équipe de femmes ? On est sept, quatre meufs, trois mecs. D'accord. C'est vrai qu'on essaye de réfléchir à comment combattre le sexisme aussi au sein de l'équipe, parce que ces questions, elles existent, notamment entre nous, on construit quand même une belle solidarité dans notre manière de travailler aussi et de faire équipe entre meufs de la librairie et aussi de monter des projets entre meufs de la librairie. Moi, j'ai proposé dernièrement qu'on suive un atelier antisexiste mené par des amis à nous, qui est donc mené pour des collectifs et qui tente de déconstruire avec les personnes ces questions de sexisme. Et puis voilà, pas nourrir cette impression qu'ont souvent les hommes de maîtriser le féminisme parce qu'ils ont lu Silvia Federici et Bell Hooks, et puis de dire bah non, voilà, toutes ces petites choses de couper la parole, de prendre la place, de la manière dont on circule dans l'espace, dont on... Toutes ces choses, en fait, toutes ces micro-formes de sexisme quotidiennes qu'on a aussi envie de déconstruire entre nous. Et dans ces micro-cellules, c'est aussi peut-être plus faisable, c'est ce qu'on se dit. Et ça, c'est vraiment... C'est aussi un travail en soi. Enfin, je me dis... moi, en tant que féministe, je trouve aussi très dur d'appliquer une pratique féministe au quotidien, tous les jours, et je me dis que ça doit être assez puissant, en fait, aussi de... Enfin, très positif, mais en même temps aussi très fatigant d'avoir cette discipline-là. Oui, mais tu vois, je trouve que c'est génial quand tu racontes, Manon, que voilà, il y a cette formation que vous allez faire ensemble, parce que c'est justement prendre conscience de cette complexité et se donner des outils pour avancer là-dedans. Et si je peux rajouter quelque chose, cette attention, justement, à... quotidienne, moi, c'est quelque chose que m'a vraiment amené Manon en arrivant dans la librairie. Par exemple, justement, l'organisation de ces réunions, le fait de se couper la parole, d'avoir un peu des prises de position un peu autoritaires, c'est quelque chose qu'on est en train de déconstruire. Et vraiment, ça vient, de l'expérience aussi que Manon a amené dans la librairie. Et moi, si je peux juste rajouter un truc, c'est que, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on est ici dans le... Comment le dire bien ? Enfin, c'est un peu extrême, quoi. On a des livres face à nous toute la journée, et c'est vrai qu'on pourrait prétendre à méga maîtriser ces trucs-là, mais en fait, le féminisme, ça se passe dans la vie, quoi. Et nous, pour nous, militer, c'est aussi ça, et que c'est clair que les mecs de notre équipe, il faut qu'ils se checkent, et que c'est important pour nous que ces choses, elles soient incarnées dans la réalité, quoi, et dans nos échanges, et dans nos rapports au travail. Voilà. C'est une librairie qui a été fondée par des femmes. Là, on arrive bientôt au bout de notre rencontre au micro. Est-ce que l'une d'entre vous a encore envie de nous parler des projets à venir ? S'il y en a, mais j'imagine. On ne peut pas encore en parler. Bah ouais, je pense qu'on peut tout dire un mot. Par exemple, moi, j'aurais envie de parler d'événements féministes. On a le plaisir d'accueillir l'équipe de militantes de la revue Panthère Première à la rentrée, qui va venir présenter son prochain numéro. Et Géraldine, On collabore avec Ramaya Teguigné sur l'organisation d'une invitation de Elisabeth Lebovici, qui est une historienne de l'art française, c'est juste, qui parle de questions liées au sida et à son activisme dans les milieux de l'art, entre autres. Et donc, elle va venir le 8 juin à Ford. Tiffany, tu veux parler du livre de Tariq, peut-être ? La veille, j'organise un lancement ici avec un ami artiste, Tariq Heyward, avec qui on a réalisé un livre dont j'ai écrit le texte. Voilà. Oh. Ah oui, et puis on va faire, pour le printemps, on fait une petite fête de printemps pour laquelle on va faire des soldes, et puis du coup, il va y avoir plein de livres bradés, et puis... des sirops et... vous avez un site internet. On peut aussi sur Facebook. Et sur Instagram. Avant de se quitter, est-ce que vous avez chacune un conseil lecture pour l'été? Géraldine panique. Bon, moi, je vais conseiller un livre pour enfants. Yes. Moi, je conseillerais Jojo le pirate et le partage du butin, qui est un livre pour enfants qui a été édité par la maison d'édition Libertalia et qui traite des questions d'autonomie d'une manière très ludique et assez chouette. Et de solidarité. Moi, je suis en train de lire un livre passionnant sur le contenu de la littérature pour enfants. Donc ça, c'est plutôt un conseil pour les adultes qui s'intéressent à la littérature pour enfants, qui s'appelle « Il sera une fois », d'une activiste féministe des années 70 qui s'appelle Marie-Laure... Oupsi, gros trou. Mince, je pourrais vous envoyer le nom. Oui, tu pourrais. Ouais, on le mettra, on sur, le mettra, on le mettra sur le post-pod. Merci beaucoup. Et que j'ai trouvé par le biais du CIRA, donc le Centre international de recherche sur l'anarchisme à Lausanne. Voilà. Bah moi, je veux juste parler d'un livre qui n'est pas sorti si récemment, mais je crois qu'il est sorti l'année dernière. Je le vois là dans les rayons et je me dis que c'est quelque chose que toute féministe devrait regarder. C'est un livre qui s'appelle « Ne crois pas avoir de droit », qui a été écrit par la Librairie des Femmes de Milan et qui retrace la lutte féministe dans les milieux autonomes italiens pendant la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80. Et en fait, en termes d'écriture collective, c'est un bouquin absolument passionnant. Et voilà, c'est vraiment un chouette livre. Parfait. Merci beaucoup. Merci, merci pour votre projet, merci de l'avoir partagé avec nous. Ouais, merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Et merci puis peut-être vous. Dire que juste peut-être les horaires d'ouverture de la librairie pour celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient venir découvrir ce lieu. Oui, alors la librairie, elle est ouverte du mardi au samedi de midi à 18h et tous les premiers dimanches du mois. Et on va fermer un peu cet été pour aller bronzer. C'est une bonne idée. Ça, c'est bien. De mi-juillet à mi-août, voilà. Et à l'été. Est-ce qu'on peut bronzer en allaitant? C'est là, en septembre. Et joyeuse suite à vous. Hein. Merci. Merci beaucoup. Alessandra, toi et moi, on revient pour un dernier épisode dans 3 semaines et on va continuer à parler de livres. C'est ça. On en dira plus dans 3 semaines. D'ici là, bonne suite. Tchuss. Tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.